Stash like a beat maker. C'est un braquage à la Marseillaise. Fais demi mon pote. Attends, je rallume mon pet. Je traîne avec plein de fous. Ici ça te sort l'épée, y'a plus de kung fu. Loin des couleurs et des faux épaulers. Tu veux que je braque le game? Donne-moi le goaler. Moi c'est un 3, j'grandis où c'est gang gang. Où c'est violent, où t'entends des trucs de ding ding. Une PM, un ADV, un RDV. J'ai la flemme, j'signe mes contrats comme des PV. Trop cramé, j'prends même plus le TGV. Trop qui ont changé à me demander qu'est-ce que j'ai fait. On suce personne, on colle personne. On s'est fait tout seul, c'est la zone en personne. Dans les R6, en Kéchoppa, en Versace. On les aime à la mort, faut que nos mères le sachent. J'en ai vu revenir avec des têtes cabossées. Faut que tu saches que l'amour tue et la haine aussi. Vous voulez des caviar, mettez-moi MOC. Vous voulez qu'on casse des jambes, mettez-moi numéro 6. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. C'est un braquage à la Marseillaise. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. Moi c'est 1-3, j'ai grandi où c'est gang gang. La caisse, on est pressé comme la Tesla. Pas de grand geste, c'est direct dans la cabeça. Plus filou, faut nous filer les mapes. On est frais, on sort de la glacière à Bielsa. Verre de rosé, mets les lèvres dans le gros sac. Évite de faire trosser, t'as joué comme d'Aosa. On a osé, le vigile sous Prozac. Leur tombe, on va creuser, c'est tout pour la causa. Demande au BN, on va tout prendre, c'est la mission. Comme les massages, un buteur, faut la finition. Dans l'Asie, qu'on trafique, on canade. On parle peu, on balade, on rate peu comme Ahmad. Un 43 et la pointa. On vient, on braque et on s'en va. Traîne pas ici, dans le secteur y'a des cœurs. Vous voulez qu'on la mette au fond, mettez-moi numéro 9. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. C'est un braquage à la Marseillaise. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. Moi c'est 1-3, j'ai grandi où c'est gang gang. Yeah. On braque, on rentre dans leurs oreilles pissifs. Et ça même si Timinik BZF. A la base on est busy comme un grossiste. On les baise et puis le rap fait une grossesse. Pas de réussite, pas de gloire sans audace, non. Dis-leur Jules qui est premier au classement. T'as pris la droga donc t'as la boca. Tu joues les toqués, Fidjo la coca. On est là depuis l'époque des Piaggio. Des buteurs comme Baggio, gros moteur, gros cardio. Ouais mon gadjo, ici on est à part. On investit les lieux, y'avait des gains dans la part. Y'a les hommes et y'a les sommes. Dans mon texte y'a que des billy. On craint des gains ni personne. Je dirais pas deux fois comme Jimmy. On arrive au casse-pédier, l'ovni dans l'équipe. Vous voulez des passes D, mettez-moi numéro 10. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. C'est un braquage à la Marseillaise. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. Moi c'est 1-3, j'ai grandi où c'est gang gang.